Chapitre 11e, La Rochefoucauld tente d'assassiner Ray. Le lundi 21 août, tous les serviteurs de Monsieur le Prince se trouvèrent à 7 heures du matin chez lui, et mes amis se trouvèrent chez moi entre 5 et 6. Il arriva, comme je montais en carrosse, une bagatelle qui ne mérite de vous être rapportée que parce qu'il est bon d'égayer quelquefois le sérieux par le ridicule. Le marquis de Rouillac, fameux par son extravagance, qui était accompagné de beaucoup de valeurs, se vint offrir à moi. Le marquis de Gagnac, homme du même caractère, y vint dans le même moment. Dès qu'il vit Rouillac, il me fit une grande révérence, mais en arrière et en me disant « Je venais, monsieur, pour vous assurer de mes services. Mais il n'est pas juste que les deux plus grands fous du royaume soient du même parti. Je m'en vais à l'hôtel de Condé. Et vous remarquerez, s'il vous plaît, qu'il y a là. » J'arrivai au palais un quart d'heure avant monsieur le prince, qui vint extrêmement accompagné. Je crois toutefois qu'il n'avait pas tant de gens que moi. Mais il avait sans comparaison plus de personnes de qualité comme il était naturel et juste. Je n'avais pas voulu que ceux qui étaient attachés à la cour et qui fussent venus de bon cœur avec moi pour l'affaire de la reine s'y trouvassent, de peur qu'ils ne me donnassent quelque teinture ou plutôt quelque apparence de mazarinisme, de sorte qu'à la réserve de 3 ou 4, qui, quoique attachés à la reine, passaient pour être mes amis en particulier, je n'avais auprès de moi que la noblesse frondeuse qui n'approchait pas en nombre celle qui suivait monsieur le prince. Ce désavantage était, à mon opinion, plus que suffisamment récompensé et par le pouvoir que j'avais assurément beaucoup plus grand parmi le peuple et par les postes dont je m'étais assuré. Chateaubriand, qui était demeuré dans les rues pour observer la marche de monsieur le prince, m'étant venu dire, en présence de beaucoup de gens, que monsieur le prince serait dans un demi-quart d'heure au palais, qu'il avait pour le moins autant de monde que nous, mais que nous avions pris nos postes, ce qui nous était d'un grand avantage, je lui répondis « Il n'y a certainement que la salle du palais où nous les sussions mieux prendre que monsieur le prince. » Je sentis dans moi-même, en disant cette parole, qu'elle promenait d'un mouvement de honte que j'avais de souffrir une comparaison d'un prince avec moi. Ma réflexion ne démentit point mon mouvement. J'eusse fait plus sagement, si je l'eusse conservé plus longtemps, comme vous l'allez voir. Comme monsieur le prince eut pris sa place, il dit à la compagnie qu'il ne pouvait assez s'étonner de l'état où il trouvait le palais, qu'il paraissait plutôt un camp qu'un temple de justice, qu'il y avait des postes pris, des gens commandés, des mots de ralliement, et qu'il ne convenait pas qu'il se pût trouver dans le royaume des gens assez insolents pour prétendre lui disputer le pavé. Il répéta 2 fois cette dernière parole. Je lui fis une profonde révérence, et je lui dis que je suppliais très humblement son Altesse de me pardonner si je lui disais que je ne croyais pas qu'il y eût personne dans le royaume qui fût assez insolent pour prétendre de lui disputer le haut du pavé, mais que j'étais persuadé qu'il y en avait qui ne pouvaient et ne devaient, par leur dignité, quitter le pavé qu'au roi. Monsieur le prince me repartit qu'il me le ferait bien quitter. Je lui répondis qu'il ne serait pas aisé. La cohue s'éleva à cet instant. Les jeunes conseillers de l'un et de l'autre parti s'intéressèrent dans ce commencement de contestation qui commençait, comme vous voyez, assez aigrement. Les présidents se jetèrent entre monsieur le prince et moi. Ils le conjurèrent d'avoir égard au temple de la justice et à la conservation de la ville. Ils le supplièrent d'agréer que l'on fît sortir de la salle tout ce qu'il y avait de noblesse et de gens armés. Il le trouva bon, et il pria monsieur de La Rochefoucauld de l'aller dire de sa part à ses amis. Ce fut le terme dont il se servit. Il fut beau et modeste dans sa bouche. Il n'eut que l'événement qui empêcha qu'il ne fût ridicule dans la mienne. Il ne l'en est pas moins dans ma pensée, et j'ai encore regret de ce qu'il dépara la première réponse que j'avais faite à monsieur le prince, touchant le pavé, qui était juste et raisonnable. Comme il eut prié monsieur de La Rochefoucauld d'aller faire sortir ses amis, je me levai en disant très imprudemment « Je vais prier les miens de sortir. » Le jeune Davot, que vous voyez présentement le président de même, et qui était en ce temps-là dans les intérêts de monsieur le prince, me dit « Vous êtes donc armé ?»« Qui en doute ?» lui répondis-je. Et voilà une seconde sottise en un demi-quart d'heure. Il n'est jamais permis à un inférieur de s'égaler en parole à celui à qui il doit du respect, quoiqu'il s'y égale dans l'action. Et il l'est aussi peu à un ecclésiastique de confesser qu'il est armé, même quand il l'est. Il y a des matières sur lesquelles il est constant que le monde veut être trompé. Les actions justifient assez souvent, à l'égard de la réputation publique, les hommes de ce qu'ils font contre leur profession. Je n'en ai jamais vu qui les justifie de ce qu'ils disent qui soit contraire. Comme je sortais de la grande chambre, je rencontrai, dans le parquet des huissiers, M. de La Rochefoucauld qui rentrait. Je n'y fis point de réflexion, et j'allai dans la salle pour prier mes amis de se retirer. Je revins après le leur avoir dit, et comme je mis le pied sur la porte du parquet, j'entendis une fort grande rumeur dans la salle de gens qui criaient « aux armes ». Je me voulus retourner pour voir ce que c'était, mais je n'en eus pas le temps, parce que je me sentis le cou pris entre les deux battants de la porte que M. de La Rochefoucauld avait fermée sur moi, en criant à messieurs de Coligny et de Ricousse de me tuer. Le premier se contenta de ne pas le croire. Le second dit qu'il n'en avait point d'ordre de M. le prince. Mon trésor, qui était dans le parquet des huissiers avec un garçon de Paris appelé Noblet, qui m'était affectionné, soutenait un peu un des battants qui ne laissait pas de me presser extrêmement. M. de Champlatreux, qui était accouru au bruit qui se faisait dans la salle, me voyant en cette extrémité, poussa avec vigueur M. de La Rochefoucauld. Il lui dit que c'était une honte et une horreur qu'un assassinat de cette nature. Il ouvrit la porte et il me fit entrer. Ce péril ne fut pas le plus grand de ceux que je courus en cette occasion. Comme vous l'allez voir, après ce que je vous aurai dit, ce qui la fit naître est cessé. Deux ou trois criailleurs de l'allée du peuple, du parti de M. le prince, qui n'étaient arrivés dans la salle que comme j'en ressortais, s'avisèrent de me crier en me voyant de loin « Au Mazarin !» Beaucoup de gens du menu peuple, et Chavagnac entre autres, m'ayant fait civilité lorsque je passais, et m'ayant témoigné de la joie de l'adoucissement qui commençait à paraître, deux gardes de M. le prince, qui étaient fort éloignés, mirent l'épée à la main. Ceux qui étaient les plus proches de ces deux premiers crièrent « Aux armes !» Chacun les prit. Mes amis tirèrent l'épée et le poignard à la main, et par une merveille qui n'a peut-être jamais eu d'exemple, ces épées, ces poignards et ces pistolets demeurèrent un moment sans action. Et dans ce moment, Crenant, qui commandait la compagnie de gendarmes de M. le prince de Conti, mais qui était aussi de mes anciens amis, et qui se trouva par bonheur en présence avec l'aigle, avec lequel il avait logé 10 ans durant, lui dit « Que faisons-nous »« Nous allons faire égorger M. le prince et M. le coadjuteur. » Chelm qui ne remettra l'épée dans le fourreau. » Cette parole, proférée par un des hommes du monde dont la réputation pour la valeur était la plus établie, fit que tout le monde, sans exception, suivit son exemple. Cet événement est peut-être l'un des plus extraordinaires qui soit arrivé dans notre siècle. La présence d'esprit et de cœur d'Argenteuil ne l'est guère moins. Il se trouva par hasard fort près de moi quand je fus pris par le cou dans la porte, et il eut assez de sang-froid pour remarquer que Pêche, un fameux séditieux du parti de M. le prince, me cherchait des yeux, le poignard à la main en disant « Où est le coadjuteur ?» Argenteuil, qui se trouva par bonheur près de moi, parce qu'il s'était avancé pour parler à quelqu'un qu'il connaissait du parti de M. le prince, jugea qu'au lieu de revenir à son gros et de tirer l'épée, ce que tout homme médiocrement vaillant eût fait en cette occasion, il ferait mieux d'observer et d'amuser Pêche, qu'il n'avait qu'à faire un demi-tour à gauche pour me donner du poignard dans les reins. Il exécuta si adroitement cette pensée qu'en raisonnant avec lui et en me couvrant de son long manteau, il me sauva la vie, qui était d'autant plus en péril que mes amis, qui me croyaient rentrer dans la grande chambre, ne songeaient qu'à pousser ceux qui étaient devant eux. Vous vous étonnerez sans doute de ce qu'ayant pris si bien mes précautions partout ailleurs, je n'avais pas garni de mes amis et le parquet des huissiers et les lanternes. Mais votre étonnement cessera quand je vous aurai dit que j'y avais fait toute la réflexion nécessaire et que j'avais bien prévu les inconvénients de ce manquement, mais que je n'y avais pas trouvé de remède, parce que le seul qui s'y pouvait apporter, qui était de les remplir de gens affidés, était impraticable, ou du moins n'était praticable qu'en s'attirant d'autres inconvénients encore plus grands. Presque tout ce que j'avais de gens de qualité auprès de moi avait son emploi, et son emploi nécessaire, dans les différents postes qu'il était important d'occuper. Il n'y eut rien eu de si odieux que de mettre des gens, ou du peuple, ou du bas étage, dans ces sortes de lieux, où l'on ne laisse entrer dans l'ordre que des gens de condition. Si on les eût vus occupés par des gens de moindre étoffe, au préjudice d'une infinité de noms illustres que M. le prince avait avec lui, les indifférents du Parlement se fussent prévenus infailliblement contre un spectacle de cette nature. Il m'était important de laisser à ma conduite tout l'air de défensive, et je préférais cet avantage à celui d'une plus grande sûreté. Il faillit à m'en coûter cher, car outre l'aventure de la porte de laquelle je viens de vous entretenir, M. le prince, avec lequel j'ai parlé depuis, fort souvent, de cette journée, m'a dit qu'il avait fait son compte sur cette circonstance, et que si le bruit de la salle eût duré encore un moment, il me sautait à la gorge pour me rendre responsable de tout le reste. Il le pouvait, ayant assurément dans les lanternes beaucoup plus de monde que moi. Mais je suis persuadé que la suite eût été très funeste aux deux parties, et qu'il eut lui-même grande peine de s'en tirer. Je reprends la suite de mon récit.